Ma ville en images, page 4. Du 5 novembre au 17 décembre 2016, réunion publique avec les élus municipaux. Le maire, Philippe Henry, et les élus municipaux informent et échangent avec les habitants de la ville lors des 5 réunions publiques de fin d'année. Vendredi 30 décembre 2016. Corrida. Les coureurs s'élancent pour la course de la Corrida, épreuve légendaire organisée tous les ans le dernier week-end de décembre. Lundi 16 janvier. Cérémonie des vœux. Le maire, président, prononce le traditionnel discours des vœux. Il est entouré des élus municipaux et communautaires, du tissu associatif et du monde économique. Samedi 4 février. Heat Games. Dans le cadre des activités proposées par le service jeunesse de la ville, des jeunes participent à une animation autour des jeux vidéo. Dimanche 26 février. Repas des aînés. Les plus de 60 ans lèvent leur verre à l'occasion du repas des aînés.